إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، chers auditeurs, on reprend ce soir la lecture du livre Le mérite de l'islam, écrit par l'imam Mohammed ibn Sulayman al-Tamimi rahimahullah ta'ala. Nous nous sommes arrêtés la semaine dernière à la mention des hadiths dans lesquels le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'au jour de la résurrection, les gens de l'innovation seront repoussés de son bassin et en seront privés. Et on a vu que l'auteur, rahimahullah ta'ala, nous a mentionné ces hadiths afin de nous avertir contre les innovations aux religions qui mènent pas à pas au délaissement de l'islam. Car dans ce chapitre, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné différents textes afin de nous montrer l'obligation d'être ferme sur cette religion. Et fait partie de la fermeté sur cette religion, le fait de s'écarter de tout ce qui s'y oppose, parmi les formes de polythéisme, de mécréance, mais également parmi les innovations qui ne font en rien partie de la religion. Donc après cela, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et il rapporte, c'est-à-dire les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abdullah ibn Abbas, radiyallahu ta'ala anhumah, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Je dirai alors comme le serviteur vertueux », c'est-à-dire lorsque ces gens, parmi les apostats et parmi les gens de l'innovation, seront repoussés du bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe de ce qu'il dira à ce moment-là. Et il dit « Je dirai alors comme le serviteur vertueux », c'est-à-dire « Isa alayhi salam ». Puis il mentionna la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala au verset 117 et 118 de Surat al-Ma'idah, dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala nous informe de la réponse de Isa alayhi salam au jour de la résurrection, lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala l'interrogera et lui demandera « Est-ce lui qui a ordonné aux gens de le prendre lui et sa mère comme divinité en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala ?» Donc après avoir nié cela, et Allah subhanahu wa ta'ala savait mieux l'innocence de son prophète. Et Isa alayhi salam dira ensuite wa kuntu alayhim shahidan ma dumtu fihim falamma tawaffaytani kunta antar raqib alayhim wa anta ala kulli shay'in shahid. Et je fus témoin contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui fus leur observateur attentif et tu es témoin de toutes choses. In tu'adhibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal 'azizul hakim. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous informe qu'il dira comme Isa alayhi salam. C'est-à-dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait mieux ce qu'ils ont fait après lui. Et par conséquent, il va les rétribuer en fonction de leurs œuvres et leurs agissements. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, et il rapporte aussi, c'est-à-dire toujours Al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala, d'après Abu Huraira, radiyallahu ta'ala anhu, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout nouveau-né vient au monde sur la fitra, puis ses parents le rendent juif, chrétien ou zoroastrien. De la même manière que la chèvre met bas d'un chevreau sans aucune difformité avant que vous ne le mutiliez. Puis Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu récita le verset suivant que l'on a déjà vu dans le dernier cours. Fitrat Allahi allati fatara an-nas 'alayha. Telle est la fitra, c'est-à-dire telle est la religion sur laquelle Allah a créé les hommes. Donc dans le dernier cours, on a vu ce verset que l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné en début de chapitre. Et on a expliqué qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé l'ensemble des hommes sur la fitra, sur la religion de l'islam. Il les a créés sur le tawhid. Puis ensuite, ce sont leurs parents qui les détournent de cette voie droite, en les rendant juifs, chrétiens, zoroastriens ou autres, parmi les fausses religions. Donc l'enfant, lorsqu'il naît, s'il est préservé des prêcheurs à l'égarement, il restera sur sa fitra, il restera sur sa saine nature sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé. Et il acceptera la vérité. Et il suivra les messagers, alayhim salatu wa salam. Car la fitra sur laquelle Allah subhanahu wa ta'ala a créé les hommes, elle est à l'exemple d'une terre fertile, prête à faire pousser toutes sortes de végétation. Tant que celle-ci n'est pas corrompue, alors elle restera fertile. Mais si se mêlent à cette terre des choses la rendant infertile, elle ne pourra plus rien faire pousser, car elle aura été corrompue. Et il en est de même pour l'enfant lorsqu'il naît. Il est prêt à grandir sur la vérité, à grandir sur le tawhid, à vouer un culte exclusif à Allah, à s'écarter de toute forme de polythéisme, à suivre la voie des messagers, alayhimus salatu wa salam. Mais ce sont ses parents ou ceux qui vont l'éduquer qui vont le corrompre. Et le prophète, sallallahu alayhi wa salam, dans ce hadith, il a donné l'exemple de la chèvre qui, lorsqu'elle met au monde un chevreau, celui-ci naît sans aucune difformité. Il a ses oreilles et ses cornes. Puis ensuite, ce sont ses propriétaires qui vont lui couper les cornes ou lui couper les oreilles. C'est donc eux qui vont lui changer sa nature. Et il en est de même avec l'enfant lorsqu'il naît. Ce sont ceux qui l'éduquent qui vont changer sa nature. Sa nature qui était telle à accepter la vérité et à suivre la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a mentionné un long hadith, également rapporté par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallah ta'ala. D'après Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu, qui a dit: les gens interrogeaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet du bien, alors que je l'interrogeais au sujet du mal, par crainte qu'il ne m'atteigne. Méditez sur cette leçon immense qui se trouve ici, dans la parole de Hudhayfa, radiyallahu ta'ala anhu. Les gens interrogeaient le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, au sujet de quoi? Au sujet du bien. Alors que je l'interrogeais au sujet du mal, par crainte qu'il ne m'atteigne. Ceci est une chose qui est demandée du musulman. Qu'il s'interroge sur le bien, qu'il apprenne le bien et la vertu, mais qu'il ne se limite pas à cela. Qu'il apprenne aussi tout ce qui s'y oppose. Qu'il apprenne le mal, qu'il apprenne la corruption, afin de pouvoir s'en écarter. Car si tu n'apprends pas ce qui est contraire au bien, alors il se peut que par ignorance, tu tombes dans ce mal, tu tombes dans le faux. Il est donc obligatoire pour chacun d'entre nous de connaître le bien et le mal. Tu apprends le bien, tu apprends quelles sont les œuvres de bien à mettre en pratique, tu apprends les voies menant au bien, parmi les paroles, les actes, et avant cela les croyances, et ainsi de suite. Il est nécessaire pour toi d'apprendre cela. Mais également, tu te dois d'apprendre tout ce qui s'y oppose, parmi les fausses croyances, parmi les mauvaises actions, parmi les mauvaises paroles, et ainsi de suite. Tu ne dois pas te contenter d'apprendre seulement le bien, mais tu apprends aussi son contraire, afin de pouvoir t'en écarter. Par exemple, lorsque tu apprends le tawhid et l'obligation de vouer un culte exclusif à Allah subhanahu wa ta'ala, il est nécessaire que tu apprennes en parallèle de cela qu'est-ce que le shirk, qu'est-ce que le polythéisme qui est le contraire du tawhid et qui consiste à adorer autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui qui n'apprend pas ce qu'est le shirk, même s'il dit La ilaha illallah, qu'il fait ses 5 prières, qu'il verse sa zakat, qu'il jeûne le mois de Ramadan, qu'il fait le pèlerinage, s'il ignore ce qu'est le shirk, il se peut qu'il tombe dans une de ces formes sans le savoir. Il se met donc en danger. Et telle est la situation de nombre de personnes affiliées à cette religion aujourd'hui, qui sont tombées dans le shirk car ils ignorent la réalité de ce qu'est le shirk. Si tu lui demandes est-ce que le shirk est autorisé, il te dira non, c'est un grave péché, c'est le pire des péchés. Mais en même temps, il commet des actes de shirk, car il ignore la réalité de ce que c'est. Il ne sait pas qu'invoquer un mort est une forme de polythéisme, par exemple. Il ne sait pas que sacrifier une bête pour les djinns sur le pas de sa porte est une forme de polythéisme, par exemple. Et ainsi de suite. Donc tu vois à travers cela l'importance d'apprendre le bien, mais en parallèle de cela d'apprendre le mal afin de pouvoir t'en écarter et t'en préserver. Et ceci est contraire au discours de nombreux prêcheurs à l'égarement aujourd'hui, qui prétendent qu'il ne faudrait pas mettre en garde contre le mal, ne pas mettre en garde contre ceux qui appellent au mal, ne pas mettre en garde contre les prêcheurs à l'innovation, et ainsi de suite. Ils disent: contentez-vous d'apprendre aux gens le bien, apprenez-leur la croyance authentique, apprenez-leur les règles de leurs adorations, apprenez-leur le bon comportement, et ne rentrez pas dans ces choses qui divisent. Ne leur parlez pas de ces choses-là, mais contentez-vous de leur apprendre le bien. Il n'y a pas de doute que ceci est une des plus grandes formes d'égarement qui mène la communauté à sa perte. Car si les gens ne sont pas mis en garde contre le faux, contre l'innovation et contre l'égarement, comment vont-ils s'en préserver? Comment vont-ils s'écarter des gens de l'innovation si personne ne les met en garde contre eux? Comment vont-ils s'écarter du shirk si personne ne les met en garde contre le shirk? Comment vont-ils s'écarter de la mécréance si personne ne les met en garde contre la mécréance? Comment vont-ils s'écarter des groupes sectaires, des gens de l'innovation, si personne ne les met en garde contre ces groupes? Comment vont-ils s'écarter du faux et des péchés si personne ne les met en garde contre le faux et les péchés? Donc ceci est une erreur de penser qu'il suffit d'apprendre le bien. Il y a certaines personnes également qui, lorsqu'on veut les mettre en garde contre le mal, ils disent: ne me parle pas de ça. Il me suffit de connaître le bien et de le suivre. Ne me parle pas du mal, ne me parle pas du faux. Ne me parle pas de ces discordes, ne me parle pas de ces dissensions, je ne veux pas en entendre parler. Je suis sur le bien et cela me suffit. Alhamdulillah, aujourd'hui tu es sur le bien, mais demain, si tu ne connais pas ce faux, que tu ne connais pas la réalité de ce faux, de cette fausseté, de cet égarement, de cette innovation, il se peut que demain tu tombes dedans. Tu dois donc apprendre ce qu'est le faux afin de pouvoir t'en écarter. Et ceci est une grande importance pour le musulman. Car celui qui ignore le faux, il risque inévitablement de tomber dedans. C'est pour cela que Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, dans ce hadith, il nous informe qu'il interrogeait le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur le mal. Pourquoi? Par crainte qu'il ne m'atteigne. Ne se sentait pas à l'abri. Mais il craignait que ce mal l'atteigne, donc il a interrogé le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a approuvé. Il ne lui a pas dit: non, n'interroge pas sur le mal, interroge sur le bien plutôt. Au contraire, il a approuvé sa question et lui a répondu et il l'a informé de troubles qui se produiraient à l'avenir, afin de le mettre en garde contre ce mal, et afin qu'il puisse mettre en garde sa communauté après lui contre ce mal, et que la communauté puisse s'en écarter. Donc les musulmans, ils doivent savoir que le mal est présent, que le faux est présent, que les innovations sont présentes, que le polythéisme est présent, que la mécréance est présente, et ainsi de suite, afin de pouvoir y faire face et y résister. D'autant plus que les gens qui propagent le faux aujourd'hui, ils font de grands efforts dans cela. Leurs efforts sont décuplés dans la propagation du faux, de l'égarement, de la mécréance, du polythéisme, des innovations. Ils l'embellissent avec de belles paroles, avec de beaux discours, avec de belles appellations, et aujourd'hui même avec tout ce qui est apparu sur les réseaux sociaux, avec des titres attrayants, des vidéos attrayantes, des animations, et ainsi de suite. Pourquoi? Afin d'égarer les gens. Donc le musulman, il ne doit pas se sentir à l'abri. Tu dois apprendre le bien, mais tu dois aussi apprendre le mal afin de t'en écarter. Car si tu n'apprends pas ce qu'est le mal, tu es en grand danger. Tu ne dois pas te sentir à l'abri. Ne dis pas: moi, je connais le bien, cela me suffit, je connais ma religion, je sais ce qu'il m'incombe, je n'ai pas besoin de connaître ces choses. Non, il est nécessaire pour toi de connaître le faux. Car ce faux va t'être présenté tout au long de ta vie. Tout au long de ta vie, tu vas faire face à des épreuves, à des tests, durant lesquels tu feras face à nombre de faussetés. Tu feras face au polythéisme, parfois tu feras face à certaines choses relevant de la mécréance, d'autres fois à certaines choses relevant de l'innovation, d'autres fois à certaines choses relevant des grands péchés, et ainsi de suite. Donc tu dois te préparer à résister et à y faire face. Et pour cela, il est nécessaire pour toi d'apprendre la science profitable, d'apprendre le bien ainsi que son contraire afin de t'en préserver. Donc Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, il dit qu'il interroge le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du mal par crainte qu'il ne l'atteigne, alors qu'il fait partie des compagnons radiyallahu ta'ala anhu, ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala a agréés. Malgré cela, il craignait pour sa personne. Aujourd'hui, on trouve certains parmi les musulmans qui se sentent à l'abri des troubles, qui se sentent à l'abri de l'égarement, comme si le paradis leur avait été garanti, comme s'ils avaient la certitude de mourir sur cette religion. Et ils mettent en danger leur religion parfois pour des bienvils de ce bas monde, parfois pour des distractions, parfois pour d'autres choses, et ainsi de suite. Et très peu sont ceux qui font des efforts pour rester fermes sur cette religion, pour s'y cramponner, pour apprendre la vérité et pour apprendre le faux afin de s'en écarter. Donc Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Ô messager d'Allah, nous étions dans l'ignorance et le mal, puis Allah nous a apporté ce bien, c'est-à-dire cette religion. Il t'a envoyé avec ce livre. Il lui dit: Y aura-t-il un mal après ce bien? C'est-à-dire, est-ce que ce bien va perdurer? Ou alors, est-ce que suivra une époque de mal, une époque de discorde, une époque de trouble? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit donc de manière affirmative qu'il y aura un mal après ce bien. Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu lui dit alors: Et y aura-t-il un bien après ce mal? C'est-à-dire, est-ce que le mal va perdurer ou alors il y aura tout de même du bien? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: Oui, mais il sera confondu. C'est-à-dire qu'il ne sera pas clair comme durant les premiers temps de l'islam. Il sera confondu. Le faux sera mêlé à la vérité. Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu lui dit alors: Quelle est cette confusion? Il répondit sallallahu alayhi wa sallam: Des gens qui suivront une autre voie que la mienne et adopteront une conduite autre que la mienne. Tu approuveras d'eux certaines choses et tu en réprouveras d'autres. Médite sur cette mise en garde du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il adresse ici à ce noble compagnon Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu, et l'avertit que viendra une époque où il y aura du bien, mais celui-ci sera confondu, il sera mêlé au faux. Et qu'il y aura des gens qui suivront une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une autre sunna, qui délaisseront sa sunna, et qui adopteront une conduite autre que la conduite du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tu approuveras d'eux certaines choses et tu en réprouveras d'autres. L'innovateur, il accomplit certaines œuvres de bien. Il se peut que tu approuves certaines choses qu'il dit. Il se peut que tu approuves certaines choses qu'il fait. Ce n'est pas tous ses actes et toutes ses paroles qui sont mauvais. Mais à partir du moment où il est sur l'innovation, qu'il suit une autre voie que la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu te dois de t'écarter de lui. Ce n'est pas sous prétexte qu'il dit certaines bonnes choses que je vais l'écouter. Non. Le bien, tu le trouveras auprès des gens de la vérité. Ne va pas chercher le bien auprès des innovateurs en disant: je prends de lui le bien et je délaisse le faux. Je vais délaisser ce que je réprouve. Non. Car qui te dira qu'il n'y aura pas des choses que tu penseras vraies alors qu'elles sont fausses? Si tu avais les aptitudes pour distinguer le vrai du faux, tu n'aurais pas besoin d'aller l'écouter. Tu n'aurais pas besoin d'aller consulter son compte, d'aller lire ses ouvrages ou je ne sais quoi. Donc tu dois t'écarter de lui, même s'il dit certaines bonnes choses. Toute vérité, tu dois avoir la certitude que tu la trouveras auprès de qui? Auprès des gens de la vérité. Il n'y a pas un bien sans que tu ne le trouves auprès des gens de la vérité. Donc délaisse les gens de l'innovation. Délaisse les gens de l'égarement. Délaisse ceux qui suivent une voie autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Écarte-toi d'eux afin de préserver ta religion et de pouvoir rester ferme sur cette religion. Allah, il est surprenant aujourd'hui de voir des gens mettre leur religion en danger pour une vidéo sur YouTube, par exemple. Un titre attrayant. Il sait que l'auteur de cette vidéo est un égaré. Il sait qu'il fait partie des gens de l'innovation ou d'un groupe sectaire. Mais le titre l'a attiré. Il est curieux, il veut savoir qu'est-ce qu'il y a dans cette vidéo. Il va écouter. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Il prend des ambiguïtés. Les cœurs, ils sont faibles. Tu dois avoir conscience que les cœurs sont faibles. Et comme l'ont dit les savants, les ambiguïtés sont captivantes. Elles captivent ton cœur. Ne te sens pas à l'abri. Ne dis pas: je sais qu'il est sur le faux, donc je vais être sur mes gardes. Non. Il se peut que l'ambiguïté, elle, s'imprègne dans ton cœur et qu'elle n'en sorte plus, walayadu billah. Donc si tu souhaites préserver ta religion, écarte-toi des gens du faux. Même s'il leur arrive de dire certaines choses qui sont vraies. Même s'ils tiennent de beaux discours, même s'ils parlent de sujets qui sont attrayants, écarte-toi d'eux. Préserve ta religion et préserve ton temps dans l'écoute et la lecture de choses profitables parmi les écrits ou les cours des gens de la sunna. C'est ainsi que tu préserveras ta religion, bi'idhnillahi ta'ala. Ensuite, Hudhayfa radiyallahu ta'ala anhu a dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam: Y aura-t-il un mal après ce bien qui est confondu? Il répondit: Oui. Une fitna obscure, une fitna obscure, et des prêcheurs aux portes de l'enfer qui jetteront ceux qui leur répondront. Subhanallah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam t'avertit dans ce hadith que viendra un temps où les troubles seront tellement nombreux que les gens seront comme plongés dans l'obscurité. Il sera difficile pour les gens de distinguer le faux de la vérité. Et il y aura des prêcheurs aux portes de l'enfer, des prêcheurs qui vont appeler les gens à s'écarter de la voie de la vérité. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit contre eux, il nous dit, ils y jetteront ceux qui leur répondront, c'est-à-dire ils les jetteront dans l'enfer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous met en garde ici contre les prêcheurs à l'égarement, parmi les prêcheurs à l'innovation et autres, parmi les déviances. Ce sont des prêcheurs aux portes de l'enfer, car ils t'appellent à une voie autre que celle du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Tous ces gens qui aujourd'hui parlent d'islam, prétendent être des prédicateurs, appellent les gens à suivre leur passion. Certains leur autorisent toutes sortes de péchés. Est-ce que celui-ci, vous pensez qu'il est sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam? Il n'y a pas de doute qu'il est sur une voie d'égarement. Et celui qui répond à son appel, qui le suit dans son appel à l'égarement, alors il le jette en enfer, c'est-à-dire qu'il le met sur la voie du feu de l'enfer, wal'iyadu billah. Car ses égarements, ses péchés, ne vont pas le mener au paradis. Et celui qui les commet, il est sous la menace du feu de l'enfer. Donc il ne faut pas négliger ces choses-là. Il ne faut pas prendre à la légère le fait d'écouter un ou deux audios, de lire une ou deux publications, de regarder une ou deux vidéos. Non. Écarte-toi totalement des gens de l'innovation. Même une phrase, ne la lis pas. Même s'il propage un verset du livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne le lis pas. Et ne l'écoute pas. Car il se peut qu'il l'écrive ou qu'il le prononce dans un contexte cherchant à en altérer le sens et à mener les gens à l'égarement. Et c'est pour cela que nos pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala, ils refusaient de n'écouter ne serait-ce qu'une parole des gens de l'innovation. Parmi nos imams, les grands imams de l'islam qui avaient de la science, qui n'étaient pas ignorants comme nous, ils avaient de la science, malgré cela ils se préservaient. Ils refusaient d'écouter ne serait-ce qu'un verset ou ne serait-ce qu'un hadith prononcé par les gens de l'innovation, par peur qu'ils visent par cela à faire rentrer dans leur cœur une ambiguïté. Et que celles-ci n'en ressortent pas. Ensuite, Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu a dit, ô messager d'Allah, décris-les-nous. Il est important de savoir qui sont les gens du faux. Il lui demande de lui décrire. Il ne suffit pas de mettre en garde contre le faux, mais il est nécessaire de savoir qui sont les gens du faux. Quelles sont leurs caractéristiques afin de pouvoir s'en écarter. Il y a certaines personnes aujourd'hui, ils te disent, mets en garde contre le faux, contre la mécréance, contre les innovations, mais ne mentionne pas leurs auteurs. Vous avez déjà entendu des paroles comme celle-ci. Regardez Hudhayfa ici, il dit, décrivez-les-nous. Qui sont-ils? Quelles sont leurs caractéristiques? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, ils sont de notre origine et parlent notre langue. Alors Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu lui dit, que m'ordonnes-tu si je suis présent à ce moment? Très important. Et ceci est une question très bénéfique que Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu a posée au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Afin qu'il lui adresse cette recommandation qui nous est en réalité destinée. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, accroche-toi au groupe des musulmans et à leurs dirigeants. Accroche-toi au groupe des musulmans, ne te sépare pas du groupe et ne te sépare pas des dirigeants des musulmans. On a vu dans des cours précédents que celui qui veut le salut, il se doit de s'accrocher fermement au groupe des musulmans, il ne doit pas s'en séparer. Et on a vu que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre le fait de se séparer du groupe. Et on a vu certains hadiths à ce sujet. Alors Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu, soucieux de connaître la voie du salut dans cette situation, il émet une hypothèse et il dit, et s'ils n'ont ni groupe ni dirigeant, si le groupe des musulmans sur la vérité n'est pas présent et que les musulmans n'ont pas de dirigeant, que dois-je faire? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit alors, écarte-toi alors de tous ces groupes, même si tu dois mordre la racine d'un arbre, jusqu'à ce que la mort te vienne, alors que tu es dans cette situation. Si les musulmans n'ont pas de groupe et pas de dirigeants, écarte-toi de tous ces groupes, écarte-toi de toutes ces sectes. Ne rentre pas avec un groupe pour en soutenir un autre, non. Écarte-toi de tous ces groupes qui appellent à l'égarement et reste seul. Accroche-toi au livre d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à la sunna de ton prophète, sallallahu alayhi wa sallam, même si tu dois rester seul. Et ceci est une recommandation immense pour tout partisan de la sunna, surtout à notre époque. Combien sont ceux parmi nos frères et sœurs qui aujourd'hui, avec la multiplication des gens de l'égarement, qui se trouvent en tout lieu et en tout endroit, se retrouvent parfois seuls? Il se peut que la personne dans cette situation elles se sentent faibles, qu'elles se sentent isolées. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il t'adresse une recommandation à toi qui es dans cette situation, toi qui es seul, toi qui n'as autour de toi personne parmi les gens de la sunna, toi qui es entouré de gens de l'innovation, parmi les soufis, ou parmi les khawarij, ou parmi les frères musulmans, ou parmi les tablir, ou autres parmi les gens de l'égarement. Toi qui te retrouves seul au milieu d'eux, que dois-tu faire? Écarte-toi de tous ces groupes. Écarte-toi de tous ces groupes, même si tu dois mordre la racine d'un arbre jusqu'à ce que la mort te vienne alors que tu es dans cette situation. Même si tu es seul, cramponne-toi au livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et à la sunna de son messager sallallahu alayhi wa sallam. Et sache que si tu restes ferme sur cette religion, que tu n'en délaisses rien, alors il y a une récompense immense qui t'attend auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Telle est la recommandation du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour nous dans ce hadith. On voit donc à travers celui-ci l'ordre de rester ferme sur cette religion et de prendre garde et s'écarter à tout ce qui s'oppose à cette religion et tout ce qui pourrait nous en faire dévier. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, Abu Daoud a ajouté, c'est-à-dire que dans une autre narration rapportée par Abu Daoud, rahimahullah ta'ala, on trouve l'ajout suivant. Je lui ai ensuite demandé ce qu'il y aura après. Il dit, le faux Messie sortira, et il aura avec lui de l'eau et un feu. Celui qui tombe dans son feu, sa récompense sera garantie, et ses péchés seront écartés. Et celui qui tombe dans son eau, ses péchés seront garantis, et sa récompense sera écartée. Hudhayfa radiallahu ta'ala anhu dit alors, et ensuite. C'est-à-dire ensuite, qu'est-ce qui se passera? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, ensuite ce sera la venue de l'heure. Donc parmi les troubles les plus dangereux et les tentations les plus immenses qui se produiront, il y a la sortie du faux Messie à la fin des temps. Et sa sortie fait partie des grands signes de l'heure. Et le faux Messie, il a été appelé ainsi, il a été appelé Ad-Dajjal, en raison de ses grands mensonges. Et cet homme sortira parmi les Juifs. Il est le Mahdi qu'ils attendent. Il sortira donc parmi eux, et ce sera une épreuve immense. Il viendra avec une image d'un paradis et une image d'un feu. Et le feu qui sera avec lui, ce sera en fait le paradis. Et le paradis qui sera avec lui sera en fait le feu. C'est-à-dire que tous ceux qui tomberont dans son feu, ils entreront dans le paradis d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors que ceux qui tomberont dans son paradis, alors ils seront en réalité dans le feu. Tu vois donc que c'est une fitna immense. Et ceci est une preuve que l'homme ne doit pas se laisser leurrer par les apparences. Tu ne dois pas dire cette chose a une belle apparence, c'est une chose bonne. Non, ce n'est pas les apparences que l'on doit juger, mais c'est la réalité des choses. Regarde, le faux Messie viendra avec un feu qui sera en réalité un paradis. Et inversement, tu dois donc juger les choses selon leur réalité, et non pas seulement selon leurs apparences. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit, Abu al-Aliya, rahimahullah ta'ala, a dit. Donc Abu al-Aliya, c'est un imam parmi les imams des tabi'in, la génération qui suit celle des compagnons, ceux qui ont appris la religion des compagnons du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, radiyallahu ta'ala anhum. Il a donc dit, apprenez l'islam. Une fois que vous l'aurez appris, ne le délaissez pas. Accrochez-vous au droit chemin, car c'est l'islam, et ne déviez pas de ce chemin à droite ou à gauche. Et accrochez-vous à la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et prenez garde à ses passions. Donc on voit ici qu'Abu al-Aliya, il adresse quatre recommandations immenses. La première est apprenez l'islam. Et ceci est une recommandation qui n'est pas des moindres. Apprendre l'islam est une obligation pour tous. Et il est nécessaire d'apprendre l'islam afin de savoir la réalité de cette religion. Qu'est-ce que l'islam? Qu'est-ce qui est attendu de moi en tant que musulman? Quels sont mes devoirs en tant que musulman? Quelle est la réalité de cette religion? Quels sont les piliers de cette religion? Qu'est-ce qui annule cette religion? Quelles sont les choses qui, si je les commets, me feront sortir de cette religion? Tout cela fait partie des choses que nous devons tous apprendre. Apprendre l'islam, apprendre notre religion, afin de pouvoir la mettre en pratique et apprendre également ce qui s'oppose à cette religion afin de pouvoir s'en écarter. Et on voit à travers cela le mérite de l'apprentissage de la science qui n'est autre que la voie du salut de l'ensemble des troubles et des dissensions bi'idhnillahi ta'ala. Le musulman doit faire de grands efforts en cela, dans l'apprentissage de la science religieuse, et notamment la science qui nous incombe à chacun, à commencer par la croyance, puis les règles de nos adorations, et ainsi de suite. Ensuite, il dit, une fois que vous l'aurez appris, une fois que tu as appris ce qu'est l'islam, quelle est cette religion, alors ne la délaissez pas. C'est-à-dire cramponne-toi à celle-ci. Il ne suffit pas que tu apprennes l'islam, que tu saches ce qu'est l'islam, que tu connaisses les piliers de l'islam, que tu connaisses les piliers de la foi, que tu connaisses les règles des prières, les mérites des prières, les mérites de l'aumône, et ainsi de suite. Non, ceci n'est pas suffisant. Il faut que tu te cramponnes à cela, que tu mettes en pratique cela, et que tu ne le délaisses pas. Car c'est cela la finalité. C'est cela la finalité, c'est de mettre en pratique. Ce n'est pas seulement d'apprendre. Il y a des gens, mashallah, ils écoutent beaucoup de choses, beaucoup de cours, ils lisent beaucoup de livres, ils apprennent, ils apprennent, ils apprennent. Mais où est la mise en pratique? Où est le fruit de cette science dans tes actes au quotidien? Est-ce que tu te poses cette question? Ceci est d'une grande importance. Lorsque tu apprends, que tu suis un cours par exemple, que tu lis un livre, ceci doit avoir un impact sur ta mise en pratique. Ceci doit t'aider à te réformer dans ton quotidien. Ceci doit t'aider à te corriger, à te rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, à t'écarter davantage des péchés, des désobéissances et ainsi de suite. C'est cela l'objectif de l'apprentissage. Apprenez l'islam, une fois que vous l'aurez appris, ne la délaissez pas. Ne délaisse pas la mise en pratique de l'islam, cramponne-toi à cette religion. Car le simple fait de savoir ne te sera d'aucune utilité si tu ne mets pas en pratique cette religion. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique, et le Coran est une preuve pour toi ou contre toi. C'est une preuve pour toi si tu le mets en pratique. Que tu te soumets à ses ordres, que tu délaisses ses interdits. Et c'est une preuve contre toi si tu ne le mets pas en pratique. Et attention ici, certaines personnes disent, d'accord donc, étant donné que je suis négligent dans la mise en pratique, je vais arrêter d'apprendre. Nombreux sont ceux à se faire suggérer cela par le diable. Et ceci est une grave erreur. Car si tu fais cela, tu auras délaissé la science et les œuvres. Si tu as des manquements dans ta mise en pratique, alors tu es négligent? Dans la mise en pratique, mais tu apprends la science, alhamdoulillah. Tu as fait la première étape. Reste à te corriger, à te réformer pour mettre en pratique cette science. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de tous nous assister, car nous avons tous des manquements à ce sujet. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. Mais tu ne dois pas faire l'erreur, en plus, de délaisser les œuvres, de délaisser l'apprentissage de la science. Car tu auras ainsi décuplé ton péché, wallah al-musta'an. Ensuite, il adresse une troisième recommandation et il dit: accrochez-vous au droit chemin car c'est l'islam et ne déviez pas de ce chemin à droite ou à gauche. Accrochez-vous au droit chemin, c'est-à-dire le droit chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce droit chemin qu'Allah subhanahu wa ta'ala a tracé pour son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ce droit chemin que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a indiqué à ses compagnons radiyallahu ta'ala anhum et qu'eux ensuite ont indiqué à ceux qui sont venus après eux. Et ainsi de suite jusqu'à nos jours. Accroche-toi à ce droit chemin. Accroche-toi au livre d'Allah. Accroche-toi à la sunna du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Car c'est cela l'islam. L'islam, ce n'est pas une simple prétention. L'islam, ce n'est pas simplement dire je suis musulman. Non, c'est bien plus que cela. L'islam exige de toi des œuvres. Accroche-toi donc au droit chemin. Emprunte la voie prophétique. Suis la voie de ton messager, alayhi salatu wassalam. Et ne dévie pas de ce chemin à droite ou à gauche. Ici, il t'avertit contre les prêcheurs à l'égarement. Ces prêcheurs aux portes de l'enfer qui tentent d'égarer les musulmans de ce droit chemin et les faire dévier de cette voie droite en empruntant une voie autre que celle du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il dit ensuite cette quatrième recommandation: et accrochez-vous à la sunna de votre prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et prenez garde à ses passions. Prenez garde aux innovations. Suivez la voie de votre messager, sallallahu alayhi wa sallam, et délaissez toute autre voie que la sienne. Et prenez garde aux innovations. Car comme on a vu dans les cours précédents, toute innovation est égarement. Comme l'a dit le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, l'auteur, rahimahullah ta'ala, a dit en commentaire de cette parole: médite sur cette parole d'Abul Aliyah, qui est d'une grande importance. Et sache à quelle époque elle a été prononcée. À quelle époque elle a été prononcée cette parole? On a dit que Abu al-Aliya, il fait partie des imams parmi les tabi'in, la génération suivante, celle des compagnons, radiyallahu ta'ala anhum. Il adresse cette recommandation à cette époque: accrochez-vous à la sunna, prenez garde à ses passions, ne déviez pas de ce chemin à droite ou à gauche. Alors que dire de notre époque? Que dire de notre époque où les prêcheurs à l'égarement sont nombreux? Que dire à notre époque où les tentations sont nombreuses, où les voies menant au mal sont diversifiées? Il n'y a pas de doute que le danger est encore plus grand. Il dit donc, rahimahullah, et sache à quelle époque elle a été prononcée, durant laquelle il mettait en garde contre ses passions, dont celui qui les suit a certes délaissé l'islam. Celui qui suit les passions, celui qui suit les innovations, il délaisse ainsi une part de l'islam. Il se peut que pas à pas, il en vienne à délaisser totalement cette religion, wal-iyadu billah. Ensuite, il dit, et vois comment il a défini l'islam par la sunnah. En effet, l'islam, c'est la sunnah, et la sunnah, c'est l'islam. Celui qui veut mettre en pratique l'islam en délaissant la sunnah, alors il ne pourra pas mettre en pratique l'islam. Car l'islam, c'est la sunnah. C'est la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et la voie du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, c'est l'islam. Ensuite, il dit, et comment il a eu peur pour les grands tabi'in et leurs savants du fait de sortir du suivi de la sunna et du livre. Il a eu peur pour eux alors que ils étaient dotés d'une grande science et d'une grande piété. Alors que dire de nous? Que dire de nous à cette époque, comme on a dit, où les tentations sont nombreuses? On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous préserver et de raffermir nos cœurs sur sa religion. Il dit ensuite, tu comprendras ainsi le sens de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Quand son Seigneur lui avait dit, soumets-toi, il dit, je me soumets au Seigneur de l'univers, c'est-à-dire Ibrahim alayhi salam. Lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a ordonné de se soumettre, il s'est soumis. Et c'est cela le sens de l'islam, la soumission. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que ceci est une manière de dénigrer l'islam, de dire que l'islam c'est la soumission. Mais c'est un honneur pour les musulmans d'être soumis à leur Seigneur. Nous sommes honorés d'être soumis au Seigneur de l'univers, celui qui nous a tous créés, celui qui administre tout dans ce monde. Nous sommes honorés de nous soumettre à Allah subhanahu wa ta'ala, créateur de l'ensemble des gens et de l'ensemble de l'univers, plutôt que d'être soumis comme eux à leurs passions, à leurs âmes, au diable, ou à des pensées innovées, des pensées destructrices, s'opposant à toute raison et à toute religion. Le musulman, en se soumettant à Allah subhanahu wa ta'ala, il se libère du suivi du diable et des passions. Quant à celui qui ne se soumet pas à Allah, même s'il prétend être libre, il n'est pas libre en réalité. N'est-il pas soumis à des règles? N'est-il pas soumis à une organisation? N'est-il pas soumis à certaines conduites, à certaines valeurs qu'il glorifie? Il est soumis à cela. Donc celui qui délaisse la soumission à Allah, il tombera inévitablement dans la soumission au diable. Donc le musulman, na'am, il est soumis. Il est soumis au Seigneur de l'univers, comme l'était Ibrahim alayhi salam. Ensuite, il dit également, tu comprendras le sens de la parole d'Allah. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Et c'est ce qu'Ibrahim recommanda à ses fils, de même que Yaqub, ô mes fils, certes, Allah a choisi pour vous la religion. Ne mourrez donc qu'en étant soumis, qu'en étant muslimoun, en étant soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, ainsi que sa parole. Et qui se détourne de la religion d'Ibrahim, si ce n'est celui qui méprise sa propre personne, celui qui fait preuve de sottise et mène sa personne à la perte. Et on a déjà expliqué le sens de ces versets dans le cours précédent, on ne va donc pas y revenir ici. Ensuite, il dit, ainsi que d'autres versets fondamentaux qui sont la base de tous les fondements et dont les gens sont insouciants. Les gens aujourd'hui sont insouciants des choses qui sont d'une grande importance. Ils sont insouciants de l'étude de la croyance. Ils sont insouciants de l'étude des fondements de l'islam. Ils sont insouciants de l'étude de la voie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais ils se préoccupent de choses qui sont secondaires ou voire même parfois qui sont futiles. Beaucoup de gens passent du temps à se préoccuper de choses qui ne leur sont d'aucune importance ni ici-bas ni dans l'au-delà. Combien de temps passe-t-on à lire des futilités sur les réseaux sociaux? Combien de temps passe-t-on dans des discussions inutiles avec les gens? Et pendant ce temps, on est insouciant de la compréhension et de la méditation de ces versets qui sont fondamentaux, qui sont la base de notre religion. Donc le Cheikh, rahimahullah ta'ala, dit ensuite, en sachant cela, Il t'apparaîtra le sens des hadiths de ce chapitre et leurs semblables. Et l'homme qui les lit, et qui se sent à l'abri en sécurité, et qui pense qu'il ne le concerne pas, et qui pense qu'il concerne des autres personnes, alors nous lui disons, Afa'aminu makrallah, fala ya'manu makrallahi illa al-qawmul khasirun. Se sent-il à l'abri du stratagème d'Allah? Seuls les gens perdus se sentent à l'abri du stratagème d'Allah. Ici, le Cheikh rahimahullah, il nous exhorte. Il nous exhorte afin que l'on comprenne que lorsqu'on lit ces hadiths, il ne faut pas penser que cela concerne les autres. Parfois, lorsqu'on lit des exhortations, qu'on lit des versets, qu'on lit des hadiths, on dit « Ah, cela concerne tel groupe. Ah, cela concerne telle personne. Ah oui, j'ai vu telle personne faire ceci et cela. » On a tendance à chercher qui, parmi les gens, est concerné par ces textes et à désigner des groupes ou désigner des personnes. Et bien souvent, on oublie nos propres personnes. On oublie que nous-mêmes, nous sommes concernés. Et c'est nous les premiers qui devons chercher à tirer des leçons de ces textes. Toutes ces menaces, toutes ces mises en garde contre l'innovation, contre l'apostasie, nous ne sommes pas à l'abri. Nos cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala, il les retourne comme il veut. Aujourd'hui, alhamdoulillah, tu es sur l'islam, tu es sur le suivi de la sunna, tu fais des efforts pour suivre la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Mais tant que tu es encore vivant, tu n'es pas à l'abri de l'égarement. Donc tu dois méditer sur ces textes. Et savoir que tu es concerné par cela. Et tu dois faire des efforts pour rester ferme sur cette religion. Apprendre ta religion, la mettre en pratique. Et ne pas la délaisser d'un empan. Ne rien délaisser de ta religion. Que ce soit pour satisfaire les gens, pour satisfaire un État, pour satisfaire un patron, pour satisfaire un professeur ou je ne sais quoi. Non. Tu ne fais aucune concession sur ta religion. Tu restes ferme sur celle-ci. Et si tu te trouves dans un endroit où il n'est pas possible pour toi de mettre ta religion en pratique comme il se doit, alors quitte cet endroit. La terre d'Allah est vaste. Ne reste pas dans un endroit où tu devras faire des concessions pour ta religion et vendre ta religion pour des biens vils de ce bas monde. Ceci n'est pas digne d'un musulman qui aime Allah subhanahu wa ta'ala, qui aime son prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui aspire à entrer au paradis. Ensuite, l'auteur rahimahullah ta'ala a dit, Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a tracé pour nous un trait. C'est-à-dire qu'il a fait un trait sur le sol, un trait droit. Et il a dit, ceci est le sentier d'Allah. Et il a tracé à droite et à gauche de ce trait des autres traits, des traits obliques. Puis il a dit, ceux-là sont les sentiers. Et sur chacun de ces sentiers se trouve un diable qui appelle. Les prêcheurs aux portes de l'enfer. Puis il lit la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 153 de Sourate Al-An'am, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala a dit, وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. Et voilà mon chemin dans toute sa rectitude. Suivez-le donc, et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de sa voie. Voilà ce qu'il vous enjoint. Ainsi atteindrez-vous la piété. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans ce hadith, il nous a expliqué le sens de ce verset. Le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala, il est droit. Et il mène à son paradis. Et tu dois savoir qu'à droite et à gauche de ce chemin se trouvent des sentiers qui t'écartent de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et à chacun de ces sentiers, il y a un diable qui appelle. Il y a ces prêcheurs aux portes de l'enfer qui appellent les gens à se détourner de la voie d'Allah. Celui-ci appelle au soufisme, celui-ci appelle à la voie des khawarij, celui-ci appelle à la voie des ash'a'ira, celui-ci appelle au sectarisme, celui-ci appelle à la voie des ikhwan, l'autre appelle à la mécréance, l'autre appelle au polythéisme, l'autre appelle à l'athéisme, et ainsi de suite. Chaque sentier, il y a un diable qui appelle. Et toi, tu dois faire face à tous ces démons, tout au long de ta vie, jusqu'à ton dernier souffle. Donc tu dois t'armer de science, connaître la vérité, afin de pouvoir rester ferme sur ce chemin et l'emprunter. Et connaître également le mal afin de prendre garde à ces démons, à ces diables qui appellent au sentier qui écarte de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme sont nombreux aujourd'hui ces démons qui appellent au sentier qui écarte du droit chemin, qui appellent au feu de l'enfer, qui appellent au délaissement de la sunna, qui appellent au suivi des passions, qui appellent à la mécréance, qui appellent au polythéisme. Donc le musulman, il doit savoir que la voie menant à Allah subhanahu wa ta'ala n'est qu'une. Et cette voie, elle se traduit par le suivi du Coran et de la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam selon la compréhension des pieux prédécesseurs, rahimahumullah ta'ala. Et il n'y a pas d'autre voie menant au paradis que celle-ci. Et celui qui suit un sentier parmi les sentiers qui se trouvent à droite et à gauche de cette voie, alors il risque de s'écarter de cette voie et de quitter pas à pas cette religion, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. On a donc terminé ce chapitre par la grâce d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et on verra dans le cours de demain le prochain chapitre qui concerne ce qui est rapporté au sujet de l'étrangeté de l'islam et du mérite des ghurabas, des étrangers. Et ce chapitre est bien placé après celui que venons de voir, afin de bien comprendre que celui qui met en pratique l'islam réellement, il sera forcément étranger parmi les gens. On verra donc ce chapitre dans le cours de demain, inshallah ta'ala. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin wa barakallahu fikum.